Pour exprimer une négation en anglais, par exemple pour dire « je ne comprends pas », on emploie « I do not ». La contraction de « I do not » est « I don't ».« I don't » suivi de l'infinitif sans « to ». Alors, « je ne comprends pas », « I don't understand ». « I don't understand ». « I don't understand ». Encore une fois, « je comprends ». « I understand ». I understand. Avec la négation, je ne comprends pas. I don't understand. I don't understand. Et comprenez-vous? Do you understand? Do you understand? Savoir? To know. To know. Question? Savez-vous? Do you know? Do you know? Je sais. I know. I know. Négation. Je ne sais pas. I don't know. I don't know. Avoir. To have. To have. To have. Question. Avez-vous? Do you have? Do you have? J'ai. I have. I have. La négation, je n'ai pas. I don't have. I don't have. Voir. To see. To see. Voyez-vous? Do you see? Do you see? On peut aussi exprimer une question en utilisant l'inflexion de la voix, comme en français dans « Vous voyez? You see? Vous voyez? You see? » Mais « Voyez-vous ? Est-ce que vous voyez ?» Ben, ça se dit « Do you see ?» Comment dit-on « comprendre » Vous vous souvenez ?« To understand. »« To understand. » Comprenez-vous ? Est-ce que vous comprenez ?« Do you understand ?»« Do you understand ?» Mais, vous comprenez ?« You understand ?»« You understand ?» Je comprends, encore une fois. « I understand. » I understand. Je ne comprends pas, la négation. I don't understand. I don't understand. Pour dire « je le comprends » en anglais, on dit « je comprends ça » ou « je comprends le ». On place alors ces pronoms neutres. Le, ça, ça se dit en anglais « it », après le verbe. Je le comprends, je comprends ça. I understand it. I understand it. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ça. Alors ça se dit comment? I don't understand it. I don't understand it. Comprenez-vous? Do you understand? Do you understand? Le comprenez-vous? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Do you understand it? Do you understand it? Vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Le voyez-vous? Do you see it? Do you see it? Do you see it? Oui, je le vois. Yes, I see it. Right. Yes, I see it. Je vois ça. I see it. Je l'ai. J'ai ça. I have it. I have it. I have it. Je ne l'ai pas, je n'ai pas ça. I don't have it. I don't have it. Yes. Est-ce que vous vous souvenez? Je regrette, je suis désolé. I'm sorry. I'm sorry. I am sorry. Je suis désolé, je suis... I am. Je suis désolé. I'm sorry. Je suis désolé... Je regrette, mais, comment dit-on mais? But. But. Je suis désolé, mais je ne l'ai pas. I'm sorry. Non. Once more. I'm sorry. Yes. I'm sorry. I'm sorry. But I don't have it. Bravo! I'm sorry, but I don't have it. Comprenez-vous? Do you understand? Do you understand? Le comprenez-vous? Do you understand it? Good. Do you understand it? Et si vous voulez dire « me comprenez-vous » Est-ce que vous me comprenez? En anglais, comprenez-vous moi? Do you understand me? Do you understand me? Alors le pronom se place après le verbe. Do you understand me? Comprenez-vous? Do you understand? Do you understand? Le comprenez-vous? Do you understand it? Do you understand it? Me comprenez-vous? Do you understand me? Do you understand me? Je le comprends. I understand it. Oui, I understand it. Je vous comprends. Je comprends vous. C'est littéral, quoi. En anglais, on dit « je comprends vous ». I understand you. Yes, I understand you. Et « je ne vous comprends pas », en anglais, on dirait « je ne comprends pas vous ». I don't understand you. I don't understand you. I don't understand you. Trouver. To find. To find. Find s'écrit F-I-N-D. To find. To find. Je le trouve. Je trouve ça. I find it. I find it. Je ne le trouve pas. I don't find it. I don't find it. Je veux. I want. Je le veux. I want it. Yes, I want it. Je ne le veux pas. I don't want it. I don't want it. Yes, I don't want it. Voulez-vous? Do you want? Do you want? Le voulez-vous? Do you want it? Right. Do you want it? Pourquoi? Why? Why? Le mot pourquoi, why, s'écrit W-H-Y. Why? Pourquoi voulez-vous? Why do you want? Right. Why do you want? Pourquoi le voulez-vous? Why do you want it? Right. Why do you want it? Savoir. To know. To know. Le savoir. Savoir ça. To know it. To know it. Je veux le savoir. I know. No, je veux le savoir. I want to know it. Right. I want to know it. Yes, I want to know it. Je veux savoir ça. I want to know it. Je ne veux pas. I don't want. I don't want. Je ne veux pas le savoir. I don't want to know it. I don't want to know it. Pourquoi voulez-vous le savoir? Why do you want to know it? Right, good. Why do you want to know it? Je veux le comprendre. I want to understand it. Right. I want to understand it. Manger. To eat. Eat. To eat. Ça s'écrit E-A-T. Mais ça se prononce eat. Eat. Eat. Eat. Il ne faut pas confondre eat avec it. It. Ça, cela, ça. It. Par exemple, je veux le manger. I want to eat it. Pas tout à fait ça. I want to eat it. I want to eat it. I want to eat it. I want to eat it. En anglais, il y a deux formes de i. Il y a le i court et le i long. Il faut penser à ça un petit peu.